Préférer se dit préférir. Donc, je préfère, ça sera... Prefiero. Accentue un peu plus le E. A-E. Prefiero. Bien. Prefiero. Hein? C'est comme quiero du verbe querer. Le E, hein, comme il est accentué à l'oral, cède sous la pression et devient IE. I-E. Alors, je préfère rester ici. Prefiero quedarme aquí. Très bien. Prefiero quedarme aquí. Quedarme, rester, littéralement, me rester. Prefiero quedarme aquí.